Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des choses merveilleuses, sa droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux nations, il s'est souvenu de sa bonté.